bonsoir à tous, c'est Thierry Gallet, une fois de plus en confinement, c'est la saga des Fab Four numéro 453, c'est le home recording numéro 8 déjà, et nous sommes censés être le 6 mai 2020, pas au moment où j'enregistre forcément, mais le jour où vous devez mettre en marche ce podcast, c'est le 6 mai, donc en théorie bientôt la fin du confinement, je ne sais pas, on verra bien. Si je dois continuer, je continuerai. L'album de la semaine, il n'y en a pas. J'ai décidé pour cette semaine-là de vous faire un spécial covers. Nous allons écouter des chansons qui ne sont pas forcément les chansons d'origine, hein, mais simplement des covers. À savoir, une fois ce sera les Beatles qui chanteront ou les Fab Four. Quelquefois, j'ai choisi par exemple des chansons de George Harrison ou des chansons de Paul McCartney ou etc. Et puis d'autres chanteurs chanteront des chansons connues, donc on fera une fois une chanson, une fois l'autre chanson, à la suite l'une de l'autre. J'ai voulu tout mélanger, et puis j'ai trouvé que c'était pas mal cette formule-là. Donc on va faire des duos comme ça, et bah, vous allez pouvoir commenter sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis tout se passera très très bien, j'espère. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, et que un de ces quatre, on se reverra sur La Saga des Fab Four à la radio, à RIG 90.7 et sur www.rigfm.fr. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes avec le premier titre qui va vous surprendre à moitié. C'est une excellente reprise faite en 1975. Je ne sais pas s'il l'a fait avant, ce chanteur-là, mais moi, ça fait partie de ce que j'ai dans ma CD Tech à moi. Vous verrez ça. A tout de suite. De l'album Rock à Memphis, Johnny Hallyday, dégage! Regarde cette fille pour la dernière fois, car ça n'est pas avec toi qu'elle va pas. Un petit coucou à mon pote Eric pour son émission de Johnny de A à Z. Voici la version des Beatles en 1964. En 1964, l'air de rien, l'album Beatles for Sale, l'album A Hard Day's Night, le film A Hard Day's Night, plus des 45 tours, dont celui-ci par exemple, Slow Down, sur RIG en temps normal, mais dans la saga des Fab Four confinés, enregistré à la maison. You want our love to last. Well, I used to walk you home, baby, at school, carry your books home too. But now you got a boyfriend down the street. Baby, what you trying to do? You better slow down. Ain't That a Shame, une superbe chanson enregistrée en 1975, enfin parue sur l'album Rock and Roll en 1975 par John Lennon, qui est le premier ex-Beatles à avoir l'idée de reprendre des chansons de sa jeunesse, des chansons qui l'ont influencé. Et cet album a été commencé, je crois, fin 73, s'est étendu sur 74 et est paru finalement en 75. La chanson d'origine est de Fats Domino, qui l'a sorti en 1955 sur l'album Rockin' Rolling with Fats Domino. C'est une chanson sortie en 55. Le disque finit par se vendre à 1 million d'exemplaires et fut numéro 1 des Black Singles, les numéro 10 des Pop Singles. Il est classé 431 dans les 500 plus grandes chansons de tous les temps, selon Rolling Stones. Il se fit connaître dans l'ensemble des États-Unis après avoir été réenregistré par le chanteur blanc Pat Boone. Et oui, à cette époque-là, lorsqu'on était chanteur noir, on était sur le côté, on va dire. C'est le plus politiquement correct que je puisse arriver à trouver. La version de Fats Domino devient rapidement plus populaire et lui permet de sortir du marché Rhythm and Blues, ciblé pour les populations noires, c'est un peu ce que j'étais en train de dire, et atteindre un marché plus large une demi-douzaine d'années après l'enregistrement de The Fat Man. Je vous propose la version justement de Fats Domino. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. My heart, when you said we'll part, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? Tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Ouais, une version plus calme, hein, mais c'est celle d'origine. Nous allons faire un petit coucou à Lovely Rita, on revient juste après. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Said goodbye, ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? although I'm crying and ashamed, my tears feel like rain. Bon, rassurez-vous, c'est la seule fois où vous aurez trois fois la même chanson, mais j'avais envie de vous proposer la version de John Lennon, la version de Fats Domino et la version de Paul McCartney à la suite pour vous donner l'idée de, bah, du talent des trois, puisque chacun présente sa version et les trois sont bien. Et je dois avouer que j'ai un petit faible pour celle orchestrée par John Lennon, même si j'aime bien le côté roots de Paul McCartney. Voilà. Nous allons faire... il va y avoir beaucoup de grandes légendes dans cette saga des Fab Four, puisque nous passons du côté de Ray Charles avec Don't Let the Sun Catch You Crying. La version que fera McCartney, c'est la version live, je n'ai que celle-là, sur Tripping the Live Fantastic en 1990. Celle de Ray Charles, c'est extrait de l'album The Genius of Ray Charles en 1959, j'allais dire 1989, non, 1959. Don't let the sun catch you crying, crying at my front door. You done daddy dirty, he sure don't want you no more. Don't let the sun catch you lying, lying at my front door. daddy's done turned salty, and baby, you made him so sore. You can cry, cry, cry. Yes, baby, you can wail. Beat your head on the pavement. Till a man comes and throws you in jail. Don't let the sun catch you crying. Crying at my front door. You done your daddy dirty. I tell you, he just don't want you no sun catch you lying, lying at my front door. Daddy's done turned salt in. Baby, you made him so sore. Whoa. You know you done me dirty now, and I just don't want you no more. La même chanson, mais en live par Paul McCartney. 2, 3, 4. Don't let the sun catch you crying. Crying on my front door. Oh, oh, oh, oh. You done daddy dirty now, and honey, he ain't gonna love you no more. Don't let the sun catch you crying. Crying on my front door. Oh, oh, oh, oh, oh. You done daddy dirty now, and honey, he don't love you no more. Well, you can cry, cry, cry, cry. And honey, he ain't gonna love you no more. Whoa. cry, cry, cry. Oh, now, baby, baby, you can wail. You can bang your head on that hard, hard pavement. To the man. You crying, oh, oh, oh, oh, oh. Crying on my front door. Oh. You don't daddy dirty, and honey ain't gonna love you no more. Can't love you no more. En 1968, Back in the USSR, avec l'originalité d'avoir Paul McCartney à la batterie sur cette chanson-là. Nous allons vers la cover qui est faite en 1987 sur un live en Russie, justement, par Billy Joel. Voici Back in the USSR. In the USSR. Hey, no. bless you. Goodbye. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. De l'album Don't Play That Song, sorti en avril 1961 par Ben E. King. Stand By Me, reste près de moi. C'est une chanson interprétée donc par Ben E. King, écrite et composée en 1961 par lui-même, avec Jerry Lieber et Mike Stoller, le duo très connu de compositeurs qui ont notamment composé pour Elvis, par exemple. Les paroles et la musique de cette chanson-là s'inspirent du gospel Lord Stand By Me, écrit par le révérend Charles Albert Tinley en 1905 et enregistré en 1916. Par la suite, cette chanson a été réécrite par The Beautiful en 1928, puis par Sam Cooke et G.W. Alexander en 1960 pour l'ancien groupe de Cooke, The Soul Stirrers. La chanson de Benny King est la première version séculière de ce morceau. La chanson obtint un énorme succès en Amérique et dans le reste du monde. Elle est devenue un classique, elle a été reprise plus de 400 fois, notamment par Adriano Celentano, Dalida, oui, Paul Anka, The Temptations, The Isley Brothers, Johnny Hallyday, Otis Redding, Les Drifters, U2, Bruce Springsteen, Vanessa Paradis en duo avec Willie DeVille, oui, et puis d'autres, et notamment, vous vous en doutez, par John Lennon, dont voici la version en 1975. And the moon is the only

girl, you let your knickers down. I am the Eggman. Là, c'est carrément le génie de John Lennon en lice sur cette chanson-là. I Am The Walrus, en 1967. D'ailleurs, il faut se rendre compte, parce que, évidemment, à notre époque, on peut programmer des synthétiseurs, on a l'ordinateur pour nous aider, on peut faire ça sur scène, mais en 1967, ils avaient arrêté la scène. En août 66, la dernière fois, ils s'étaient dit, c'est trop, on s'entend même plus jouer, c'est même plus un plaisir, donc on arrête. Et puisqu'ils ont arrêté, ils se sont dit, bon bah, on va faire des chansons maintenant qui n'ont pas besoin d'être produites sur scène. On va travailler la chanson en tant qu'art, et non plus en tant que chanson qu'on joue sur scène. Et d'où cette chanson-là, I Am The Walrus. En 1998, George Martin sort un album qui s'appelle In My Life. C'était sa dernière collaboration avant de prendre une retraite bien méritée. Il réunit des artistes. Et pour chanter I Am The Walrus, il fallait quelqu'un de fou. Il l'a trouvé, c'est Jim Carrey. Il faut voir le clip, il est génial le clip. Et cette chanson-là est très très bien faite par Jim Carrey. La voici. La saga des Fab Four numéro 453C en confiné, c'est le home recording numéro 8. J'enregistre cette émission à la maison puisque on est tous obligés de rester. Et j'espère vous revoir très bientôt sur RIG 90.7 pour ceux qui sont dans la région bordelaise et www.rigfm.fr pour le reste du monde. La suite de cette saga spéciale cover contre les versions des Beatles ou des Fab Four, c'est maintenant avec Matchbox. I'm a Star et les Beatles en 1964. Matchbox s'appelait à l'origine Matchbox Blues, le blues de la boîte d'allumettes. C'est une chanson du bluesman Blind Lemon Jefferson. Il est le premier à l'enregistrer en 1927 pour la firme OK Records et est crédité comme étant l'auteur de ce titre. La composition Matchbox, tout court, sans Matchbox Blues, est attribuée à Carl Perkins depuis qu'il l'a enregistrée dans un style rockabilly et c'est son nom qui figure sur toutes les reprises postérieures à cette version. Cette chanson est, après Blue Suede Shoes, l'un de ses plus grands succès. À la suggestion de son père Buck, Carl Perkins enregistre ce morceau à Memphis le 4 décembre 1956 pour Sun Records. Il est accompagné sur ce disque du jeune Jerry Lee Lewis. Ce jour-là, les deux musiciens seront ensuite rejoints par Elvis Presley et Johnny Cash pour ce qu'on appellera plus tard The Million Dollar Quartet. Voilà ce qu'on peut dire, cet extrait de l'album Dance Album of Carl Perkins, sorti en 1957. Je n'ai pas cette version-là, j'ai la version faite des années plus tard, en 1986, sur laquelle Ringo Starr et Eric Clapton, entre autres, et aussi George Harrison, mais pas sur ce titre-là, je crois, accompagnent donc Carl Perkins. La voici, cette version. Yeah. or twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Baby says he's traveling on the one after 909. I got my bag. Au bout. The Smithereens, je ne connais pas, c'est date de 2014. The Smithereens Cover Tune Collection et One After 909. On écoute la version forcément des Beatles, extrait de Let It Be Naked en 2003. The baby says you're traveling on the one after 909. I said, move over, honey, I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. I begged her not to go, and I begged her on my bended knee. Yes, I did. You're only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. Pick up my bags, run to the station. Railman says you got the wrong location. Pick up my bag, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. Yeah. Oh.

qu'est-ce que j'aime cette chanson, vous le savez, de toute façon, je le dis à chaque fois. Oh là là là, While My Guitar Gently Weeps par George Harrison et les Beatles, forcément, en 1968, sur l'album blanc. Qui fera une reprise de While My Guitar Gently Weeps? Un copain à eux, Peter Frampton, en 2008, en live. my friend, if it makes you feel alright. I get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money can buy me love. I give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money can buy me love. Can buy me love. Love can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Can buy me love. Love can buy me love. Can buy me love. No, no, can no, buy no. Say you don't need the diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me that you want those kind of things money just can't buy. I don't care too much for money can buy me love. Yeah! And I'll be satisfied. Tell me that you want those kind of things money just can't buy. I don't care too much for money can buy me love. Can buy me love. Love can buy me love. Yeah, yeah. Chapeau, hein. Le groupe s'appelle Let Hit Be avec un H devant le IT. Et en 2003, sur l'album The Beatles A Cappella, ils nous chantaient cette chanson, Can't Buy Me Love. Voici la version originale de 1964 par les Beatles sur A Hard Day's Night. Quelle belle année, 1964. Can't buy me love, love. That makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. La saga du Fab Four 453C, le home recording numéro 8, s'est enregistré à la maison et s'est diffusé en principe le 6 mai. Si vous ouvrez ce podcast avant, ça n'est pas bien, c'est pas gentil, il faut jouer le jeu. Il faut l'ouvrir le 6 mai à 20h02 après avoir applaudi les soignants. Mais je suppose que si vous êtes arrivé jusque-là, j'espère en tout cas que vous avez joué le jeu et que vous êtes sur le groupe Facebook et que vous commentez avec moi, qui écoute l'émission en principe et qui commente avec vous. Je suis à la fois l'auteur de la saga et le spectateur, l'auditeur de la saga, puisque j'écoute. C'est rare que je m'écoute, mais depuis le confinement, ben j'ai pas le choix pour pouvoir assister à l'émission avec vous. Nous en étions à Can't Buy Me Love. Voici John Lennon en 1971 et ce titre, Imagine. Un an, en 2021, cette chanson aura 50 ans. Mamie Yoko, si elle est encore là, va certainement essayer de nous refiler un ultime Big Mac, Big Mix, je vais dire. Big Mix, oui, c'est mieux que Big Mac. Tiens, ça donne faim. Donc, Big Mix de Imagine, bon, on verra bien. En tout cas, c'est la plus belle chanson de John Lennon post-Beatles. Je vous propose la version de 2006 de Dolly Parton qui nous chante Imagine sur l'album Those Were the Days. Oh,

Run So Far sur l'album Brainwashed, sorti en 2002 par George Harrison, une chanson qu'il avait écrite pourtant des années auparavant, en 1989, et qu'il avait offerte à son pote Eric Clapton sur l'album Journeyman. En voici la preuve. Un petit peu de rock and roll dans la saga des Fab Four, ça ne vous fera pas de mal. Revenons en 1956 à la Nouvelle-Orléans pour le label Specialty. Lee Allen, Alvin Red Tyler, Edward Blanchard, etc. Font partie du groupe de musiciens qui accompagnent Little Richard, qui chante et joue au piano. Sleeping and Sliding est enregistré le même jour, figure sur la face B du single édité en mars 56 aux États-Unis. Quel single ? Il s'agit du single Long Tall Sally, qui est devenu un classique du rock'n'roll et qui a été repris à maintes reprises, notamment par les Beatles en 1964. Voici la version de Little Richard. Paul McCartney et les Beatles, Long Tall Sally. Je vous avais dit en début d'émission que je vous faisais le coup qu'une seule fois de passer trois chansons, trois versions de la même chanson. Oh ben non, j'ai décidé de vous le faire une deuxième fois. En fait, j'ai raté ça sur la programmation, je m'en étais pas rendu compte. Extrait du même album, Rock à Memphis, en 1975, voici la version de Johnny Hallyday. Version qui s'appelle... Écoute-moi, Sally. Oh, Sally. À l'âge que tu as, il faut commencer maintenant. Fuck you! Version tranquille des Beatles en 1968 sur l'album blanc. Notez, et vous le savez, il existe une version 45 tours plus musclée, même si elle est tranquille aussi. Si vous regardez le clip, Ringo, il se foule pas un toum toum poum toum poum comme ça. Et ce sont les guitares qui sont saturées, qui sont poussées dans le rouge, qui vous donnent l'impression que c'est un son énorme, un son gras. Mais en fait, c'est tranquille aussi. Enfin, bref. Vous écoutez la saga des Fab Four numéro 453 qui touche à sa fin bientôt. Voici la reprise par les Mona Lisa Twins sur l'album Mona Lisa Twins Play Beatles and More en 2014. La même chanson, Revolution, sur RIG en théorie et en fait dans la saga Confinée, enregistrée à la maison. Sont mises en avant ce soir dans la saga des Fab Four, puisque c'était les Donnas à l'instant en 2005 sur l'album This Bird Has Flown avec la reprise de Drive My Car, et auparavant c'était donc les Mona Lisa Twins et leur reprise bien musclée, bien correcte de Revolution. Imaginez un super groupe avec John Lennon, avec Eric Clapton et une bonne partie des Rolling Stones. Ça donne The Dirty Mac. Est-ce qu'à l'époque, il avait envie de donner une claque à McCartney, The Dirty Mac? Peut-être. En tout cas, le titre du morceau, extrait de The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus, c'est Your Blues, et c'est un sacré blues. One, two, three, four. I'm lonely. Girl, you know the reason. In the morning, wanna die. In the evening, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. My mother was of the sky, my father was of the earth, but I am of the universe, and you know what it's worth. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. My bone feels so suicidal, just like Dylan's missing drums. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, girl, you know the reason why. Black cloud crossed my mind, blue mist round my soul. So suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely, wanna die. If I ain't dead already, vous allez me dire, et vous n'aurez pas tort, c'est une cover faite par l'auteur lui-même. Oui, c'est vrai, mais je ne pouvais pas résister à la tentation de comparer les deux chansons, Your Blues par John Lennon et une partie des Rolling Stones, ainsi que Eric Clapton, et Your Blues faite par les Beatles eux-mêmes en 1968 sur l'album blanc. You know the reason why. from a bone. Feel so suicidal, just like Dylan with a gun. No man wanna die if I ain't dead already. Girl, you know the reason. Le générique final est une cover par Joan Eddy en 1987. Cover à laquelle participe Paul McCartney d'ailleurs. Merci d'avoir écouté cette saga des Fab Four et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre qui sera enregistrée à la maison, peut-être si on est toujours confiné, ou directement à la radio sur 90.7 en temps normal pour les Bordelais, ou www.rgfm.fr. Merci beaucoup à vous et à très très bientôt. N'oubliez pas, Nothing Stops the Beatles. Ciao.